Lady Isabel par Mrs. Henry Wood. Première partie, chapitre 1er. Lady Isabel. Plongé dans un confortable fauteuil au milieu de la vaste et magnifique bibliothèque de son hôtel, William, comte de Mount Severn, s'efforçait de trouver quelque repos. Ses cheveux étaient gris, des rides prématurées sillonnaient son front lisse, large et bombé, et sa figure, jadis attrayante, portait actuellement et d'une manière fort accentuée le pâle cachet de la débauche. L'un de ses pieds, chaudement emmailloté, s'étendait sur un moelleux coussin de velours, et par les gouttes, autant du moins, qu'il ait permis à un pied de parler. À voir cet homme réduit à un pareil état, l'on eût juré qu'il s'était fait vieux avant l'âge, et certes, l'on ne se fût pas trompé, à peine en effet, s'il comptait 49 ans, et cependant c'était un vieillard en tout, sauf les années. Ce comte de Mount Severn avait été un personnage remarquable, non qu'il eût joué un rôle saillant dans la politique, non qu'il eût été un grand général, un homme d'État éminent, voire même un membre actif de la Chambre des Lords. Ce qui avait rendu son nom retentissant, c'est la réputation qu'il s'était acquise de bon vivant, de joueur effréné, de libertin et de dissipateur. Du reste, l'on assurait, et cela non sans raison, que chez lui, ses défauts provenaient plutôt de la tête que du cœur, et qu'il possédait une nature généreuse, une âme vraiment aimante. Mieux eût valu qu'il eût vécu toute sa vie, et qu'il fût mort sans richesse, sans titre, et sans autre nom que celui de William Vane. Jusqu'à l'âge de 25 ans, il s'était fait remarquer par sa conduite régulière. Il avait, avec ardeur, poursuivi le cours de ses études au Temple, et jour et nuit, on le trouvait la tête penchée sur les livres. Parmi ses camarades, les étudiants en droit, sa persistance inébranlable au travail était passée en proverbe. Et après avoir vainement essayé de l'entraîner à leur suite au milieu des plaisirs et de la dissipation, ses avocats imberbes lui avaient ironiquement décerné le titre de juge. Le jeune Vane était ambitieux, et il comprenait que de ses propres talents et de ses propres efforts dépendait entièrement son succès en ce monde. Il appartenait à une famille noble, mais pauvre, ayant pour chef le vieux comte de Mount Severn. Jamais il ne lui vint à l'esprit qu'il pourrait un jour hériter de ce titre, en recueillir les privilèges et la fortune, car trois autres prétendants, jeunes encore et d'une santé florissante, y avaient des droits avant lui. Et cependant, ces trois personnages moururent l'un après l'autre, le premier d'un coup de sang, le second d'une fièvre contractée en Afrique, et le troisième fut noyé durant les régates d'Oxford. Ce fut ainsi que le jeune William Vane, l'étudiant du Temple, se vit subitement transformé en comte de Mount Severn, et qu'il devint le légitime possesseur d'un revenu annuel s'élevant la somme de 1 500 000 francs. Tout d'abord, il lui sembla que jamais il ne viendrait à bout de dépenser tant d'argent, et qu'il était même impossible qu'une pareille somme pût être dissipée chaque année. Toutes les classes de la société, depuis le prince du sang jusqu'au serviteur le plus humble, se mirent à l'encenser de leurs fades adulations. Il devint le personnage le plus important du jour, le lion le plus à la mode et le plus couru. Car, outre la fortune et le rang qu'il venait d'acquérir, il avait un extérieur distingué et ses manières étaient fort séduisantes. Malheureusement, la prudence qui avait caractérisé William Vane, alors que renfermé dans sa misérable chambre d'étudiant, il poursuivait son cours de droit, lui fit entièrement défaut, et il s'élança si follement et si éperdument dans sa nouvelle existence que toutes les personnes sensées ne purent s'empêcher de dire qu'il courait tête baissée à une ruine prochaine et inévitable. Toutefois, un père du royaume, et surtout un père possédant inscrite sur le grand livre une rente annuelle de 1 500 000 francs, ne saurait être ruiné en un seul jour. Nous avons laissé le comte assis dans sa bibliothèque. Nous avons dit qu'il était âgé de 49 ans. Ajoutons maintenant qu'il n'est pas encore complètement ruiné. Mais qui se chargera de décrire les embarras pécuniaires dans lesquels il s'est plongé? Ces embarras qui ont tué son sommeil et qui ont jeté comme un crêpe lugubre sur son existence. Le monde ne les ignorait point, ces embarras. Ses amis y prenaient part. Ses créanciers en souffraient. Mais nul ne saura jamais les poignants douleurs qui, nuit et jour, le travaillaient, et qui, plus d'une fois, semblèrent devoir le rendre fou. Jadis, à force de persévérance et d'économie, il eut pu se relever, à ses propres yeux, récupérer même les fonds qu'il avait perdus. Mais il n'avait pas assez d'empire sur lui-même, et craignant d'envisager l'avenir, il remettait toujours au lendemain les soucis de la veille, s'engageant ainsi de plus en plus dans le labyrinthe inextricable des dettes, et se préparant à une catastrophe imminente. Telles étaient peut-être les pensées qui agitaient le comte, alors que nous l'avons trouvé assis devant un large bureau, sur lequel se voyaient empilés ou éparpillés des papiers de mauvais augure. Il songeait à sa vie passée. C'était, se disait-il, un mariage ridicule, celui qu'il avait contracté par amour à Gretna Green. Et cependant, la comtesse avait été une femme dévouée. Jamais elle ne s'était plainte de ses escapades, ni de son indifférence. De plus, elle s'était montrée bonne mère. Il n'avait eu d'elle qu'un enfant, une fille, et la comtesse était morte avant que cette petite fille eût atteint sa 13e année. Si encore Dieu lui eût accordé un fils, c'était là pour le comte un sujet de regret continuel. Peut-être aurait-il pu découvrir un moyen de débrouiller quelque peu ses affaires. Le jeune homme, une fois majeur, se serait entendu avec lui pour annuler la substitution et alors « Monseigneur, » dit un valet qui venait d'entrer dans la salle et d'interrompre subitement le cours des idées que poursuivait le comte, « il y a là un monsieur qui voudrait vous parler. » « Qui ?» demanda vivement le comte sans s'apercevoir que le domestique lui tendait une carte. « Voici sa carte, » ajouta le valet. « Monsieur Carlyle de West Lynne, » murmura le comte tout en poussant un cri de douleur car il venait d'éprouver un violent soubresaut dans sa jambe malade. « Que peut-il me vouloir? Qu'on le fasse monter ?» Le valet se retira et revint presque aussitôt suivi de Monsieur Carlyle. Ce personnage devant jouer un grand rôle dans notre histoire, nous inviterons le lecteur à le bien examiner. C'est un homme d'une taille fort élevée. Il est âgé de 27 ans et il est doué d'un extérieur très distingué. Lorsqu'il adresse la parole à quelqu'un, il courbe généralement la tête. C'est une habitude singulière à un tic que lui a transmis son père. Il a les traits réguliers, le teint pâle et clair, les cheveux noirs. Ses yeux d'un gris foncé sont abrités par des cils épais et bien fournis. À prendre sa physionomie dans son ensemble, elle est plutôt agréable que belle, et indique une nature franche et honnête. Bien que son père n'eût été qu'un simple avoué de province, et que lui-même eût été élevé pour la même carrière, il n'en avait pas moins reçu l'éducation d'un gentleman, et après avoir fait ses classes à Rugby, il était allé passer ses examens et recevoir son diplôme à l'université d'Oxford. Il s'avança résolument vers le comte, avec toute l'assurance d'un homme d'affaires. « Je suis heureux de vous voir, » dit le comte, en étendant avec son affabilité ordinaire sa main vers Carlyle. « Vous le voyez, je suis pris par la goutte, ma plus cruelle ennemie, et je ne puis me lever, du moins sans réveiller mes douleurs. Veuillez prendre un siège. Habitez-vous la ville ?»« J'arrive de West Lynne et je ne suis venu ici que dans le seul but de rendre visite à votre seigneurie. » « Et que puis-je faire pour vous ?» demanda le comte avec quelque inquiétude, car l'idée lui était subitement venue que Carlyle n'était peut-être en cette circonstance que le mandataire de l'un de ses nombreux créanciers. Carlyle se rapprocha du comte et d'une voix basse. « J'ai appris que la terre d'East Lynne est à vendre. »« Un instant, monsieur, » s'écria le comte avec dignité, mais sans trop de fierté cependant, car ses soupçons tendaient de plus en plus à se confirmer. Désirez-vous que nous causions ouvertement comme il convient des gens d'honneur, ou bien ne serait-ce que le désir de surprendre un secret qui vous amène ? Je ne vous comprends pas, répliqua Carlyle. Voyons, ne vous offensez point si je vous parle sans détour. Êtes-vous envoyé par mes misérables créanciers pour essayer de connaître mes sentiments et mes intentions à leur égard ? Ce sera là, my lord, l'acte d'un malhonnête homme. Il est vrai que parmi les gens de notre profession, on n'est pas toujours très scrupuleux sur le point d'honneur. Vous n'avez cependant aucun droit de me soupçonner. De ma vie, je n'ai accompli une basse action, et j'espère que jamais on ne pourra m'en adresser le reproche. Je vous offre mes excuses, monsieur Carlyle. Si vous saviez toutes les ruses auxquelles on a recours autour de moi, les pièges que l'on ne cesse de me tendre, vous comprendriez que j'ai le droit d'être défiant et soupçonneux. « Veuillez continuer, je vous prie. »« Votre homme d'affaires m'a appris sous le sceau du secret qu'East Lynne était à vendre. »« S'il en est ainsi, je connais un acquéreur. »« Qui cela ?» demanda le comte. « Moi-même. »« Vous plaisantez, » ajouta le comte en riant. « la carrière que vous poursuivez rapporte donc beaucoup ?»« Oui, certes, » répliqua Carlyle, « quand on a une clientèle comme la mienne. » Il est bon d'ajouter cependant que j'ai hérité aussi de deux grandes fortunes, l'une de mon père, l'autre d'un oncle. C'est vrai, je savais cela. Or, depuis quelque temps, je cherche à placer mon argent en fonds de terre. East Line me conviendrait parfaitement, pourvu toutefois que nous puissions nous entendre sur le prix. Lord Mount Savran demeura quelques moments silencieux. Monsieur Carlyle, reprit-il enfin, mes affaires sont en mauvais état. Et il est de toute nécessité que je trouve de l'argent. J'ai tous les droits possibles sur East Line. Et quoi qu'en pense le monde, cette terre n'est hypothéquée qu'à un prix bien au-dessous de sa valeur réelle. En vendant East Line, je compte, déduction faite de toutes mes dettes, avoir en poche quelques milliers de livres sterling. C'est le seul moyen qui me reste à présent de me tirer des embarras où je me trouve. Toutefois, si je consens à vous céder cette propriété, je désire, afin de m'éviter les tracasseries des créanciers, que cela soit sans éclat et par un acte sous sein privé. Me comprenez-vous ? Parfaitement, fit Carlyle. Maintenant, il me reste à vous demander quelle est la valeur approximative d'East Line. Warburton et Ware, mes deux hommes d'affaires, vous donneront à ce sujet tous les renseignements possibles. Je crois cependant devoir vous prévenir que je ne suis pas disposé à conclure ce marché à moins d'1 750 000 francs. C'est trop, my lord, dit avec fermeté le jeune avoué. C'est pour rien, posta le comte. J'avais toujours l'idée, reprit Carlyle, que vous aviez substitué cette terre à votre fille. Ma fille, répliqua le comte, en fronçant visiblement le sourcil, n'est appelée à aucune succession. C'est ma faute, celle du moins de mon mariage. J'aimais la fille du général Conway, mais celui-ci, ne me considérant pas comme un parti sortable, me refusa brusquement la main de son enfant. J'eus recours alors au seul moyen qui me restait, un enlèvement. Nous nous rendîmes à Gretna Green, et là, Marie, c'était son nom, devint la comtesse de Mount Severn, sans que j'eusse songé à lui constituer aucune dot. C'est un des souvenirs les plus pénibles de ma vie. Le général, en apprenant la fuite de son enfant, tomba mort sur le coup. « Est-il possible ?» murmura Carlyle. « Hélas, ce n'est que trop vrai. Depuis quelque temps déjà, il souffrait d'un anévrisme, et cette nouvelle produisit une crise terrible. Jamais, à partir de cet événement, je ne vis sourire ma pauvre femme. Elle se reprochait sans cesse la mort de son père, et cette mort devait causer la sienne. Elle fut longtemps malade. De la poitrine, disaient les médecins. Mais c'était plutôt un dépérissement général, une atrophie lente et graduelle de tous les membres. Ici, le comte s'arrêta, visiblement ému, et en proie sans doute à de tristes et poignantes réminiscences. Mais, ajouta Carlyle, pourquoi le mariage, une fois accompli, n'avez-vous pas fait quelques dispositions en faveur de votre femme ? Oui, c'est évidemment là ce que j'aurais dû faire, mais je ne le fis pas. Ma femme ne m'apportait aucune fortune et moi-même, engagé déjà dans la voie fatale des dépenses excessives, c'est à peine si je pouvais suffire à toutes mes prodigalités. Aujourd'hui, ajouta le comte en soupirant, ma fille se trouve être sans dot aucune. Il se peut qu'elle fasse un bon mariage, car elle est extrêmement jolie, et elle a reçu une éducation accomplie. Sa mère lui consacra les soins les plus dévoués pendant les 12 premières années de sa vie, et depuis lors, c'est à une gouvernante fort distinguée que j'ai confié la charge de terminer son instruction. Enfant, elle était bien jolie, je m'en souviens encore, dit l'avoué. Oui, vous l'avez vue à East Line, du vivant de sa mère. Mais revenons à la question qui nous occupe. Si vous désirez acquérir ma propriété, il faut que cela soit sous le secret. Il faut aussi que l'argent ne soit versé en d'autres mains que les miennes. De plus, enfin, il faut qu'aux yeux du monde, le comte Mount Severn demeure le propriétaire légitime d'East Line, du moins pendant un certain temps encore. Avez-vous des objections à me faire ? Avant de répondre, Carlyle se mit à réfléchir, puis la conversation reprit son cours. Il fut décidé qu'il irait trouver Warburton et Ware et qu'il s'entendrait définitivement avec eux. Il se faisait tard, Carlyle se leva pour partir. « Voulez-vous dîner avec moi ? » demanda le comte. Carlyle n'osait accepter, car quoiqu'il fût élégamment vêtu, il ne portait pas cependant l'habit de rigueur, cet habit sans lequel on ne peut convenablement s'asseoir à la table d'un lord. « Et qu'importe ? » fit le comte, s'apercevant de son embarras. « Je n'attends personne. Nous serons seuls avec ma fille. J'ai en ce moment chez moi Madame Vane, du château de Marling. elle a eu l'obligeance de présenter ma fille à la cour lors de la dernière réception. Je crois qu'aujourd'hui, elle doit dîner en ville. Du reste, nous allons nous en assurer. » J'ai l'extrême bonté de sonner. Un domestique parut. « Voyez si Madame Vane dîne ici, » fit le comte. « Madame Vane ne dîne pas à la maison, » répondit le laquais. « Elle va sortir dans un instant. La voiture est à la porte, prête à l'emmener. »« C'est bon. Faites mettre un couvert pour Monsieur Carlyle. » À 7 heures, on vint annoncer que le dîner était servi. Le comte, sans quitter son fauteuil à roulettes, fut poussé jusqu'à la table dans la chambre contiguë. Au moment où Carlyle et lui pénétraient dans la salle à manger, une adorable jeune fille entrait par la porte opposée. Gracieuse et légère, elle se distinguait par cette beauté rare que nous retrouvons plus souvent dans nos rêves et sous le pinceau de l'artiste que dans la réalité. Ses cheveux longs et noirs retombaient en boucle sur son cou et sur ses blanches épaules. Elle était revêtue d'une robe de tulle blanc, ample et flottante, et des colliers de perles entouraient ses bras nus. À la vue de cette belle créature, l'avoué s'était subitement arrêté, ému et ravi d'admiration, comme devant l'apparition d'un ange. « Lady Isabelle, ma fille, permettez-moi de vous la présenter, » fit le comte. On se mit à table. Lord Mount Severn, assis à la place d'honneur, avait à sa droite Carlyle, tandis que sa fille occupait la gauche. Carlyle se piquait peu d'être un amateur du beau sexe. Toutefois, il ne put s'empêcher de se sentir vivement impressionné au spectacle de tant d'attraits et de charmes aussi peu ordinaires. Ce qui surtout paraissait le fasciner, ce n'était pas tant la délicatesse des traits de Lady Isabelle, son teint vif et rosé, les boucles soyeuses de son abondante chevelure, c'était plutôt l'expression si pleine de douceur qui s'échappait de ses yeux noirs. Jamais regard de femme n'avait produit sur lui une telle impression. Il se sentait, pour ainsi dire, et comme malgré lui, invinciblement attiré vers elle. Il la contemplait dans une muette extase, et plus il la contemplait, plus il se laissait convaincre qu'il y avait de la tristesse et presque de la douleur dans le caractère général de sa physionomie. « Isabelle, lui dit le comte, vous êtes, je le vois, déjà prête pour le bal. »« Oui, mon père. » »« Je n'ai pas voulu faire attendre Madame Levison. Elle prend le thé de bonne heure. » « J'espère que vous ne reviendrez pas trop tard. »« Cela dépendra entièrement de Madame Vane. » »« Ou alors c'est tout dire. » »« Il est maintenant de bon ton de transformer la nuit en jour. » »« Et c'est là même ce qui fait que la jeunesse perd si vite son teint de lys et de rose. » »« N'êtes-vous point de cet avis, Monsieur Carlyle ?» Carlyle considère en souriant les joues blanches et vermeilles de la jeune fille. « Les roses qui sont là, dit-il, sont trop fraîches et trop pures pour se flétrir de si tôt. » À la fin du repas, une femme de chambre vint annoncer que la voiture était prête, et ce disant, elle jeta sur les épaules de Lady Isabelle une sorte de balle en cachemire blanc. « Bonsoir, mon doux ange, » murmura le comte à Lady Isabelle, qui s'était approchée de son père pour l'embrasser. « Bonsoir. » répéta-t-il en la pressant tendrement sur son cœur. « Et surtout, dites bien, Madame Vane, que je n'entends point qu'elle vous prive ainsi de toutes les nuits du sommeil qui vous est nécessaire. »« Monsieur Carlyle, » ajouta le comte, « oserais-je vous prier de sonner? Je ne puis faire un pas, sans quoi j'aurais accompagné ma fille jusqu'à la voiture. »« Avec votre permission, my lord, » balbutia Carlyle, « je me ferai un vrai plaisir d'accompagner moi-même Lady Isabelle, si toutefois, elle veut bien consentir à prendre le bras d'un homme un peu gauche et fort peu habitué à faire les honneurs aux dames. » Un gracieux sourire de la jeune fille, telle fut la réponse qu'obtint Carlyle. Il s'empressa d'offrir son bras, et tous deux descendirent lentement un majestueux escalier tout resplendissant de lumière. En arrivant devant la calèche, l'avoué se découvrit et soutint Lady Isabelle par le coude pour l'aider à monter. Elle lui souhaita le bonsoir et lui tendit la main en signe de reconnaissance. La voiture disparut, et Carlyle revint près du comte. « Eh bien, » demanda ce dernier, « ne la trouvez-vous pas très belle ?»« Plus que belle, » répondit Carlyle d'une voix basse, mais avec un accent plein d'enthousiasme. « Jamais je n'ai vu créature plus ravissante. » On m'assure que la semaine dernière, sa présence à la cour a produit une véritable sensation. Du reste, elle est aussi bonne qu'elle est belle. Et le comte disait vrai. La nature s'était montrée vraiment généreuse à l'égard de cette jeune personne, non seulement au point de vue de l'intelligence et des charmes extérieurs, mais aussi au point de vue du cœur. Elle n'était point encore gâtée par les adulations du monde. En elle se trouvaient alliées la générosité et la bienveillance, la douceur et la timidité.